بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 6 Rajab 1444 de l'Hégire, correspondant au 28 janvier 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de lire cette compilation de fatawa de Sheikh Al-Allama Ahmad bin Yahya Al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi nos très grands savants et qui donnait, qui était spécialisé dans Al-Manhaj Al-Salafi. D'où l'intérêt de ces fatawa. Et comme il le mentionne à plusieurs reprises, il parle en connaissance de cause. C'est un homme de science qui a connu très très bien toutes ces sectes égarées et qui étaient en contact direct avec certaines d'entre elles dans le cadre du conseil de Nasiha, comme c'était le grand savant du sud de l'Arabie Saoudite à son époque. On le dénommait le Mufti du sud de l'Arabie Saoudite. Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc aujourd'hui, mes frères, nous allons lire la question numéro 51. Une question très importante et très profitable dans laquelle Cheikh Rahimahullah est interrogé au sujet de plusieurs sectes. Et il lui a été demandé, donc, de définir brièvement ces sectes. Dans cette question, Cheikh Rahimallah est interrogé, ils lui ont dit, qu'on a trouvé parmi les livres qui décrivent les sectes et les gens de l'innovation, tous ceux qui se sont égarés de la sunna, on a trouvé des livres volumineux et très détaillés, chose qui n'est pas accessible pour le débutant. Et d'autres qui sont très résumés au point où ça ne te permet pas de connaître ne serait-ce que les grandes lignes de cette secte. C'est pour ça notre requête à ce que tu nous expliques d'une manière claire les fondateurs de ces sectes et les principales erreurs qui leur ont été reprochées afin que le musulman soit sur une clairvoyance dans sa religion et ne tombe pas dans leurs égarements. Et ils lui ont demandé de faire de même pour la voie de la vérité. Al-Manhaj al-Haq, Al-Manhaj al-Salafi, dont parlait brièvement de la même manière, Inch'Allah ta'ala, en mentionnant les grandes lignes. Dans la réponse, Cheikh Rahimahullah a commencé par l'Ikhwan al-Muslimoun, la secte des frères musulmans, comme ils se font appeler. La secte des frères musulmans. Donc, les frères musulmans, il a dit, ce sont les suiveurs de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, qui est le fondateur de cette secte. Et parmi les choses qui ont été critiquées à cette secte, premièrement, c'est leur négligence de l'unicité d'Allah dans l'adoration, qui est la chose la plus importante dans la religion de l'islam. Et la personne ne peut être musulmane jusqu'à vérifier cette catégorie de tawhid, ainsi que les autres catégories. Mais le problème, comme vous savez, a eu lieu dans cette catégorie de tawhid principalement. Et il est beaucoup plus rare dans l'unicité de la seigneurie. Et dans l'unicité des noms et des attributs, il y a eu beaucoup d'égarements également, mais son effet n'est pas aussi fort sur la masse des musulmines comme c'est le cas de l'unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration. Les erreurs qui puissent y avoir dans l'unicité de l'adoration touchent même la masse des musulmines. Même la masse des musulmines. D'où son danger. Donc ça, c'est le premier reproche à cette secte, c'est la négligence de da'wa à l'unicité d'Allah dans l'adoration. S'il y a un problème dans le sang, barakallahu fikum, de me le mentionner, si jamais il y a des coupures ou des choses comme ça. Le deuxième reproche, c'est leur approbation de shirk, même shirk al-akbar, l'associationnisme majeur, comme invoquer autre qu'Allah, comme faire tawaf autour des tombes et faire des vœux pour les morts et égorger, sacrifier au nom d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Même, il est rapporté de Hassan al-Banna qu'il donnait des cours dans un endroit dans lequel était pratiqué al-shirk al-akbar d'une manière flagrante. Et bien évidemment, comme on va le voir, sans blâmer cela. Car pour eux, si jamais tu blâmes ces pratiques répandues chez les gens, ils vont s'écarter de toi, ils vont s'éloigner de toi, et par conséquent, ils ne vont pas te soutenir dans les élections. Ils ne vont pas être à tes côtés dans les élections. Et eux, leur but principal, c'est d'arriver au pouvoir. Quel que soit le moyen, même en fermant les yeux sur des choses qui contredisent l'islam et qui annulent l'islam. Le troisième point, c'est que le fondateur de cette secte ainsi que de sa méthodologie est un homme soufi. Hassan al-Banna, c'était un soufi. Il a fait le pacte d'allégeance à Abdul Wahhab al-Husafi, conformément à la méthode al-Husafiyya al-Shaziliya, une méthode très répandue en Égypte et dans d'autres pays. Quatrième point, Cheikh ici d'une manière très résumée. Hassan al-Banna, il est rapporté de lui qu'il mettait la photo de son cheikh dans une pièce où il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour que son cheikh soit intermédiaire entre lui et Allah dans la transmission de cette invocation et ces évocations. Car pour Sophia, ils ont une choubha, c'est que nous, avec tous les péchés qu'on commet, on n'est pas préparé à accéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quoi la solution? C'est de prendre un intermédiaire, un homme qui a fait beaucoup d'efforts dans la purification de son âme et de son cœur, que lui peut accéder facilement auprès d'Allah. Et ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et ça, c'est valable pour les rois de la terre. Quand t'as pas quelqu'un pour intercéder en ta faveur auprès de ce gouverneur ou ce roi, en général, tu peux pas accéder chez lui. T'as besoin d'être pistonné, d'être soutenu, aidé par quelqu'un qui est proche de ce roi. Mais ça, c'est pas valable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit de lever tes mains, il t'exauce. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est-à-dire un intermédiaire qui nous permet d'arriver auprès d'Allah. Qui va prendre notre adoration et la transmettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ses frères parmi les prophètes et messagers, leur rôle, c'est de nous montrer la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah aime être adoré. Également, cette secte, beaucoup de ce qui est dit ici, c'est commun à toutes les sectes égarées. Le quatrième point que Cheikh a cité, c'est que cette secte de l'Ikhwan est connue par beaucoup d'innovations dans leurs adorations, et ils appellent aux innovations. Même le fondateur lui-même de cette secte, Hassan al-Banna, il croit que le prophète, alayhi salatu wassalam, assiste avec eux dans leurs assises dans lesquelles ils évoquent Allah en groupe. Et qu'il leur pardonne leurs péchés. Et comme il est rapporté de lui, il disait: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. Il répète ces vers dans lesquels ils disent: voici le bien-aimé qui est venu assister avec ceux qu'il aime. C'est-à-dire eux, les soufis. Et le bien-aimé, c'est le prophète. Ils font allusion au prophète, alayhi salatu wassalam. وَسَامَحَ الْكُلَّ فِي مَا قَدْ مَضَى وَجَرَى. Et il a pardonné à tous ceux qui sont présents leurs péchés passés et actuels. Yani, il leur a tout pardonné. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Donc, des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, il les accorde à ses créatures. Le seul qui peut pardonner, c'est Allah. Le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi sallam, il peut rien pour toi. Il peut rien pour sa fille, qu'il aime énormément. Et qui lui ressemblait même dans sa façon de marcher. Fatima radiallahu anha, il lui a dit clairement et explicitement, il lui a dit: je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Et les innovations chez cette secte sont très très répandues. Bien évidemment, Yahya, quand tu t'éloignes de l'apprentissage de Tawhid et que ce n'est pas un souci quotidien pour toi Tawhid, bien évidemment, on ne s'étonne pas que la personne elle tombe dans le shirk. Et quand tu t'éloignes de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on ne s'étonne pas non plus que la personne tombe dans les innovations. Et quand tu t'éloignes des savants salafis, de l'ulama rabbaniyin an-nasihin, qui conseillent avec la sunna, bah tu seras orienté et conseillé par des égarés, par des innovateurs. Et c'est pas parce que c'est un innovateur qu'il n'a pas de science. Mais là, on parle de la science tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum. C'est ça la science. Amma ce que les gens ont inventé après le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une ignorance. Donc les innovations sont très répandues chez cette secte. Ils jeûnent certains jours dans la semaine, ils se regroupent certains jours dans la semaine ou dans le mois, dans les mosquées pour faire Qiyam al-Layl. Énormément d'innovations ils ont dans leurs pratiques et dans leurs adorations. Le cinquième point, ils appellent à Al-Khilafa. Ils appellent à Al-Khilafa. Et ça, c'est une innovation. Car les prophètes, et leurs suiveurs, ils n'ont appelé qu'à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas fait de l'accès au pouvoir un objectif ultime. Leur objectif, c'était d'appeler les gens à adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'était l'objectif ultime de tous les prophètes ainsi que leurs suiveurs sur la voie de la vérité. Mais ces gens-là, le plus important pour eux, c'est d'appeler les gens à d'appeler les gens au pouvoir et à gouverner la Ummah et à prendre les rênes du pouvoir. C'est ça leur objectif ultime. Allah Azza wa Jalla dit de ses prophètes et messagers alayhi salatu wa salam, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » Nous avons dépêché dans chaque communauté un messager qui les appelle à adorer Allah et à s'écarter du taghout. Taghout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça, comme on a vu précédemment, ils sont capables de fermer les yeux sur shirk pour arriver au pouvoir. Et ils leurrent les gens en leur disant que on va fermer les yeux temporairement jusqu'à accéder au pouvoir et par la suite on va appliquer la charia. Et on va blâmer tout ce que vous voulez qu'on blâme, comme shirk, comme le bid'a. Ne vous inquiétez pas, juste ne vous précipitez pas. Et ça c'est faux. Déjà c'est pas la bonne méthodologie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a été proposé de gouverner tout Quraysh. Contre son silence et le délaissement du blâme de leur divinité. Ils ont dit, on te donne le pouvoir, juste arrête de dire du mal de nos divinités. Il a dit non. C'est pas il l'a cherché, on lui a proposé, il a refusé. Car il n'y a pas de compromis au sujet de Tawhid. Il n'y a pas « laisse-nous, on adore ta divinité, t'adore notre divinité une année et on adore ta divinité une année ». Subhanallah. Tout ça a été proposé au prophète alayhi salam. C'est cité dans le Coran, c'est cité dans le Sunna authentique. Et ces gens-là, ils sont très très loin. Ils veulent même pas écouter ce discours. Car dans leur tête, ils veulent le pouvoir. En réalité, quand tu analyses ces sectes, en réalité, ils veulent pas faire triompher la religion d'Allah. Mais c'est le slogan qu'ils lèvent pour avoir des suiveurs. Parce qu'ils savent que le muslimine, la masse et le commun des muslimines, il y a du bien en eux. Ils veulent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans plusieurs pays, quand il y a eu des ikhwan qui ont appelé à suivre l'islam et à la réforme dans la conformité à la religion de l'islam, ils étaient élus. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils appliquent rien de l'islam. Ça va pas passer sur l'ulama, bien évidemment. L'ulama, ils savent que c'est des menteurs. Ils se servent de la religion pour arriver à leurs fins et leurs objectifs. C'est pour ça quand certains gouverneurs intelligents, ils leur donnent dunya, ils les blâment plus. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent dunya, comme a dit le Hassan al-Basri de l'Khawarij. Khawarij qui avait un aspect encore plus religieux que ces gens-là. Et qu'ils étaient encore dans l'adoration. Ces gens-là, en général, tu trouves qu'il n'a pas d'adoration. Il n'a pas... Illa man rahim Allah. Khawarij, ils veillaient la nuit dans la salat. Ils jeûnaient les jours d'affilée. Et ils lisaient le Coran. C'était des mémorisateurs de le Coran. C'était des tullab ilm. Et malgré ça, Hassan al-Basri a dit, ce sont des gens qui demandent la dunya. Est-ce que le gouverneur les a empêchés de faire salat, d'appeler au tawhid, de non. Mais ils veulent sa place, tout simplement. Encore pire, c'est ces égarés de notre époque. C'est pour ça, quand ils accèdent au pouvoir, ils arrivent au pouvoir, comme c'est arrivé en Égypte, la première parole que cet homme a dit, qui est Mohamed Morsi, il a dit « La démocratie a réussi. » La démocratie a réussi. C'est la première parole qu'il a prononcée après avoir accédé au pouvoir. Donc tout ça pour nous dire que la démocratie qui est jugée par autre loi que celle d'Allah a réussi. C'est ça votre islam auquel vous appelez les gens. Et il rassure les gens, tout le monde, ne vous inquiétez pas, on ne va pas interdire l'alcool, on ne va pas appliquer le sharia, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi ces mensonges? Avant, pour avoir le soutien de la masse, amal les gens de science et tullab al-ilm, ils savent que c'est des menteurs. Parce que avant d'accéder au pouvoir, ils n'appliquent pas la législation d'Allah sur eux-mêmes, dans leur foyer. Lui-même, il est dans les péchés, il n'est pas dans la conformité à la sunna, dans son apparence. On parle que de l'apparence. Comment cet homme, il va appliquer sharia? Alors qu'il l'applique pas sur lui-même, comment il va l'appliquer sur une umma? Alors qu'on sait que c'est pas quelque chose de facile, bien évidemment. Qu'Allah vient en aide à nos gouverneurs musulmans, mais c'est pas une chose facile. Celui qui connaît un petit peu dans la politique et ces choses-là, il sait très bien que c'est pas quelque chose de facile. Les kuffars, ils sont derrière. C'est nos pays, ils veulent pas qu'on suive la religion. Avec des menaces, avec des pressions, avec des dettes, avec, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pas quelque chose de facile. Comment tu veux que quelqu'un qui n'a pas réussi à appliquer sharia dans son propre foyer, où il y a personne qui ne le voit, où il peut l'appliquer à 100%. Comment tu veux qu'il l'applique dans la umma, avec toutes les difficultés et les obstacles? Le sixième point, Adam al-Wala et al-Bara. Et ça, c'est parmi les caractéristiques de tous les innovateurs. Il n'y a pas d'alliance et de désaveu chez eux. C'est pour ça que tu les trouves, ils appellent à l'union avec les Rawafid, avec Shia, avec Nasara, avec Yahoud, conformément à la règle de, du fondateur de ce, cette secte. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Donc, ils appellent à s'unir avec les différents courants dans les choses où ils sont en accord. On est en désaccord dans le tawhid, c'est pas grave. Toi, tu restes sur ton shirk et moi, je reste sur mon tawhid, mais on est d'accord sur la politique, on va collaborer dans la politique. Toi, moi, j'aime les compagnons tous. Toi, t'insultes les compagnons à l'exception de 3 ou 2 ou 4. C'est pas grave. Tu les insultes comme tu veux. Et moi, je vais continuer à les aimer. Mais par contre, on est d'accord dans la politique. Donc, on va collaborer dans la politique. Et toi, tu continues à insulter les compagnons, radiallahu anhu. Ça, c'est avec Rafida. Avec les chrétiens, moi, je crois en une divinité unique. Et toi, tu crois que la divinité, les divinités sont au nombre de 3. Toi, tu crois en la Trinité. C'est pas grave. Et ainsi de suite. Ils sont prêts à excuser leurs, yani les mukhalifines, ceux qui sont en désaccord avec eux, dans toute chose. Du moment qu'ils sont d'accord sur la politique, sur des choses, ils vont collaborer dans les choses dans lesquelles ils sont en accord, et les uns vont excuser les autres dans les choses où ils sont en désaccord. Et ça, c'est une mauvaise règle, bien évidemment. Je ne peux pas collaborer avec toi si on n'est pas d'accord sur l'aqida. Je ne peux pas collaborer avec toi si on n'est pas d'accord sur le manhaj salafi. Il y a une différence que mon frère en Allah, qui suit la même voie que moi, et quelques erreurs sur lesquelles je peux le conseiller, et être en désaccord dans les bases, dans les fondements. Il n'y a pas de collaboration possible ni imaginable. Et je dois te blâmer. Et je dois te conseiller. Et je dois te montrer ton égarement. C'est pas je vais fermer les yeux. Ça n'existe pas en islam, ça. Taïb, le 7e point, leur animosité et leur haine des gens du tawhid, des salafis. Ils les détestent. C'est pour ça qu'ils sont prêts à accueillir dans leur secte toutes les autres sectes, à l'exception des salafis. Ceux-là, ils n'ont pas de place parmi eux. Et d'ailleurs, subhanallah, j'ai entendu, vous avez peut-être entendu parler de ce grand colloque de Grozny, en Tchétchénie, où ils ont réuni toutes les sectes égarées. Les seuls qui n'étaient pas représentés, c'est les salafis. Et ils ont parlé à ceux qui ont organisé, il y avait l'Asha'ira, il y avait le Maturidiya, il y avait tout ce que tu pouvais et tout ce que tu peux imaginer, comme égarement. Et subhanallah, ils ont interrogé les organisateurs. Pourquoi vous n'avez pas permis aux salafiyins de participer et de donner leur avis aussi? Il a dit, les salafiyins n'ont pas de place parmi nous. Et de toute façon, ils ne peuvent pas venir sans blâmer et sans dire ça c'est un égarement, ça c'est. Subhanallah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les fait parler avec la vérité. C'est pour ça certains du'at ou mashayikh salafiyin qui pensent qu'en participant avec ces gens-là, on va les conseiller, ils se trompent. Et la vie juste, c'est la vie de nos savants salafiyin comme Cheikh Rabi' et ceux qui ont le même avis que lui, c'est qu'il ne faut pas participer avec les innovateurs. Ils ne veulent pas la vérité. Quand ils t'accueillent chez eux, c'est parce qu'ils savent que tu vas pas blâmer, que tu vas pas mettre en garde. Pour ça, c'est un cauchemar pour eux. Les mises en gardistes, c'est un cauchemar. Naam, c'est comme ça, c'est la vie. Pour ça, yani, ils peuvent pas supporter les salafis. Ils peuvent supporter tout le monde, à l'exception de salafis. Et ça, tu peux le voir même chez ces égarés, parmi les du'ats en France, comme un certain dénommé Mohamed Nadir. Ces gens-là, ils sont prêts à mettre la main dans la main de tous les égarés. Les soufis, les asha'ira, le maturidiya, le mufawwida, quel que soit leur égarement. Et tu vois, tu les trouves, ils ne blâment pas ceux qui sont avec eux. Même s'ils ne sont pas d'accord. On m'a montré un certain Boussena qui chantait une poésie dans laquelle il y a shirk. Et certains salafis lui ont reproché cela. Et il a été défendu par d'autres. Celui qui l'a défendu, qu'on m'a montré, il s'appelle Alain Ali ou quelque chose comme ça. Quelqu'un, subhanallah, qui a étudié apparemment à l'université islamique de Médine. Et il l'a défendu qu'il n'y a pas de shirk. Tout ça, ça peut se comprendre d'une bonne manière, et en donnant des interprétations. Supposons que c'est vrai, que celui qui a écrit ces vers, il a sous-entendu des choses à chaque fois qu'il y a un shirk, il a sous-entendu quelque chose qui permet d'orienter le sens vers Tawhid. Pourquoi il ne s'exprime pas clairement? Est-ce que tu peux trouver des choses comme ça dans les poésies de l'imam Ibn al-Qayyim, ou de Ibn Taymiyyah, ou des imams de Salaf? Pourquoi ils ne s'expriment pas d'une manière claire? Pourquoi ils s'expriment d'une manière où le sens apparent c'est shirk? Et nous on doit lui chercher des issues, des excuses. Alors que c'est des gens qui sont connus par les égarements et les innovations. Ça serait un imam salafi, si on suppose qu'il s'est exprimé de cette manière, on peut le comprendre dans un bon sens. Mais avec des égarés, des innovateurs, il n'y a que les innovateurs qui cherchent à leur trouver des excuses. Et jamais tu ne vas trouver ces gens-là. Ils se critiquent entre eux, à la façon de l'Ikhwan. Naam, parce qu'en France, Dawa est attaqué, l'islam est attaqué, donc on doit s'unir, il n'y a pas de place à ce que je corrige mon frère ou là. Tu dois le corriger publiquement. Ne soyez pas leurré parce que yani, il l'a corrigé entre lui et lui. Là, il a fait une erreur en public, tu dois le corriger en public. Tu le corriges lui. Taïeb lui et les autres qui ont écouté et qui ont pensé que c'est de la vérité, quel est leur péché, quelle est leur erreur pour les laisser dans l'égarement? Mais tu n'entendras rien de tout ça, de la part de ces gens-là. C'est pour ça que je vous disais qu'ils ne peuvent pas supporter les salafiyins. Parce que salafi, comme il reprend son frère Salafi. Quand il tombe dans une erreur, il reprend l'égaré aussi, l'innovateur aussi. Il réfute toute erreur, quel que soit celui qui commet cette erreur, quel que soit celui qui tombe dans l'erreur. Lakin, à la différence que Salafi, quand il tombe dans une erreur, on le rattrape, on le corrige et on montre son erreur avec les preuves tout en gardant du respect pour lui. Amma l'innovateur, il n'y a pas de respect pour lui. Naruddu alayhi wa la karama. Amma salafi, fatuhfadu karamatuhu. On préserve sa dignité. Amma l'innovateur, il n'a pas de respect ni de dignité. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va mentir, qu'on va dire des choses qu'il n'a pas dit. Là, avec ce qu'il a dit, avec les preuves. Voilà karama. Et ça, c'est pour protéger l'islam. C'est pas parce qu'on est supérieur, comme Shaitan il leur fait voir. Wallahi, on sait que personne n'est à l'abri de l'égarement. Que personne n'a la garantie de rencontrer Allah sur la vérité. Mais ça, c'est un devoir vis-à-vis de notre religion. On doit le faire. Et si on ne le fait pas, alors on sera dans le péché. Pour celui qui est capable de le faire, bien évidemment. Et là, ça me fait penser à quelque chose. C'est pas toute personne qui voit une erreur qui doit la réfuter. Ces gens-là, ils se réjouissent quand ils voient un frère salafi qui n'a pas encore les outils qui les réfute. Ils se réjouissent de cela. Et tu vas voir qu'ils vont commencer par énumérer ces erreurs et montrer ces salafis comme des ignorants. Alhamdulillah, on a étudié tout ce qu'ils ont étudié. On a étudié le mantiq, on a étudié le nahw, on a étudié le sarf, on a étudié le balagha. Lakin, on est avec nos savants. Et si on doit faire une réfutation avec équité et justice et preuve et argument et bonne intention. La bonne intention, je veux le bien de mon frère. Je veux qu'il revienne à la sunna. Et si je peux donner tout ce que je possède pour qu'il revienne à la sunna, wallahi, c'est meilleur pour moi que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Je veux son bien et je veux le bien et je veux préserver ma religion. Selon ma capacité et selon mon niveau de science. Le huitième point que Cheikh a cité, c'est les critiques qu'ils adressent aux gouverneurs musulmans en public. Et ils cherchent à sortir leurs erreurs et à les rendre publiques, à les propager. Que ce soit des vraies erreurs dans lesquelles ils sont tombés ou des mensonges. Pour ça, tu trouves, ils peuvent publier une photo d'un gouverneur qui porte la croix, salib, ou des choses comme ça. Ou qui boit l'alcool. Pour eux, le mensonge est autorisé quand il y a une bonne intention. Et tout ça pour remplir les cœurs des jeunes contre les gouverneurs de l'islam, les remplir de haine et d'animosité. Le neuvième point, al-hizbiyatul mamquta, ce sectarisme blâmé et détestable auquel il s'affilie. Donc leur alliance, tout à l'heure on a dit qu'ils n'ont pas d'alliance ni de désaveu par rapport à la vérité, par rapport au tawhid, par rapport à la sunna. Mais ils ont une alliance et un désaveu par rapport au parti. Si tu t'affilies à leur parti, t'es le bien-aimé et t'es l'allié d'Allah. Et si tu n'es pas affilié à ce parti, ou tu le blâmes, ou tu reproches des choses à leur parti, alors t'es l'ennemi déclaré. Le dixième point et le dernier que Cheikh a cité, c'est qu'ils prennent un pacte d'allégeance sur cette méthodologie de l'Ikhwan conformément aux 10 conditions qui ont été mentionnées par le fondateur Hassan al-Banna. Et il y a d'autres choses qui sont reprochées à cette secte que Cheikh Rahimullah a cité dans un livre d'une manière plus détaillée, qui s'appelle « Al-Mawrid al-Adb al-Zulal »« Fi man tuqida ala ba'd al-manahij al-da'awiyyati min al-aqa'idi wal-a'mal » Ensuite, il a parlé de l'Qutbiyoun. Al-Qutbiyoun, les suiveurs de Sayyid Qutb. Donc, Sayyid Qutb, à la base, c'était un membre dans la secte de l'Ikhwa al-Muslimin. C'est parmi leurs grands penseurs. Le fondateur, c'est Hassan al-Banna. Mais les pensées, c'est Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, c'est pas quelqu'un qui a étudié la législation de l'islam. Mais c'est quelqu'un qui a étudié la littérature arabe et qui a yani, une bonne maîtrise de la langue arabe et de la littérature arabe. Donc, les suiveurs de Sayyid Qutb, ils ont lu ses ouvrages. Il a un tafsir du Coran. Il explique le Coran yani, de sa tête et dans lequel il y a énormément d'égarements. Il a d'autres livres aussi et dans plusieurs de ses ouvrages, il rend mécréant l'ensemble de la communauté de l'islam. Même ceux qui font l'appel à la salat, il dit ils appellent à la salat alors que c'est des mouchriquines, et ceux qui font salat dans les mosquées. En plus, c'est Qutb, il suit al-madhhab al-ash'ari, dans l'aqida, il ne suit pas le madhhab al-salafi. Et il a des erreurs très graves. Et parmi ceux qui ont montré les égarements de Sayyid Qutb d'une manière très détaillée, c'est notre cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. C'est pour ça qu'il a été combattu. Il a été critiqué. Parce qu'il a réfuté et il a dévoilé les égarements de Sayyid Qutb, tout en sachant qu'il n'a fait que sortir ses erreurs de ses livres et de montrer avec les preuves tirées du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam que c'est de l'égarement. Sayyid Qutb, il a beaucoup d'égarements, notamment dans l'aqida, où il voit que l'islam c'est comme le marxisme, l'ishtirakiya, le communisme. Et il croit que Allah subhanahu wa ta'ala ne forme qu'une seule entité avec toute sa création, ce qu'on appelle wahdat al-wujud. Il croit en l'ittihad, que Allah s'est uni avec sa création. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Gloire et pureté à Allah de ce qu'il lui attribue. Alors que Al-Sunnah wal-Jama'a disent Allah, il est très haut, au-dessus de toutes ses créatures. Il n'est pas mélangé à ses créatures. Il n'est pas inclus dans ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Aussi parmi les sectes, As-Sururiyya. Sururiya, c'est une secte qui suit Muhammad Surur Zayn al-Abidin. Ils ont des parties où ils sont en conformité à la sunna et des choses dans lesquelles ils sont dans des innovations. Parmi les reproches les plus importants à cette secte de Sururiya, c'est leur critique à l'égard des gouverneurs musulmans. Et ils sont la cause de certaines rébellions et que les gens s'insurgent et se révoltent contre leur gouverneur. Donc ils ont ce point en commun avec le Khawarij. Ils ont ce point en commun avec le Khawarij. Alors que les textes, ils sont clairs dans le devoir de l'écoute et de l'obéissance des gouverneurs musulmans et l'interdiction de s'insurger et de se révolter contre eux tant qu'ils sont sur l'islam. Et même si c'est des mécréants et que les savants ont jugé de leur mécréance, il y a une condition qui est la condition de la capacité de les renverser et de mettre en place un musulman. Sinon, notre devoir, c'est de patienter. Ils appellent les gens au combat dans le sentier d'Allah, le jihad. Mais en réalité, ils ne veulent pas le combat des mécréants. Mais en réalité, pour eux, le combat contre les états de l'islam. Tout en sachant que Al-Sunnah, ils ne prétendent pas qu'un gouverneur est infaillible ou qu'il n'a pas d'erreur. Non, mais Al-Sunnah disent qu'on doit leur obéir et les conseiller d'une manière discrète, car ils sont des musulmans et que notre législation interdit le renversement du gouverneur musulman tant que c'est un musulman, jusqu'à voir de lui une mécréance évidente dans laquelle on a des preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas parce qu'il a dit ça, donc forcément il croit ça. Non, on rend pas un musulman mécréant avec ce que impliquent ses actes ou ses propos. On le rend mécréant quand on est habilité à le faire, bien évidemment. C'est pas l'awam, c'est pas les débutants dans l'ilm. Quand on est habilité à le faire, on le rend mécréant avec des choses claires et explicites et dans lesquelles il n'y a pas de doute. Et même quand on sait que c'est un mécréant, on peut ne pas le dire. Car la sagesse est de ne pas montrer aux gens ce hukm, car ça peut être un mal pour eux de le savoir. Nabi alayhi salam n'a pas dévoilé la liste des hypocrites, alors que c'est des grands mécréants. C'est pour ça, ça c'est selon l'intérêt, selon le maslaha. Mais on croit que c'est nos gouverneurs, sans exception, sont des musulmans. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder des savants qui les conseillent et de les aider à appliquer sharia, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et à suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. La quatrième secte, la secte de Tablir, dont le fondateur est Mohamed Ilyas. Mohamed Ilyas, Al-Kandahwali, Al-Hindi, le fondateur de cette secte. Mohamed Ilyas est né en l'an 1302 de l'Égypte. Il a mémorisé le Coran, il a étudié les livres de la Sunna, conformément au manhaj Diobandi Hanafi Ash'ari ma turidi aqidatan as-sufi tariqatan. Donc il suit l'aqida al-ash'ariya et al-maturidiya, et c'est un soufi. Il a fait le pacte d'allégeance conformément aux quatre sectes soufis les plus répandues dans le monde: an-naqshbandiya, as-sahrawardiya, Al-Qadiriya ou Al-Jishtiya. Et à ma connaissance, les plus égarés parmi eux, ce sont Naqshbandiya, que vous pouvez trouver notamment en Turquie. qui ont des croyances extrêmement graves, qui font sortir de l'islam. Un soufi à la base, c'est un musulman, jusqu'à preuve du contraire. Donc, Mohamed Ilyas a fait le pacte d'allégeance conformément à ses quatre sectes soufis. Et il est rapporté de lui qu'il s'isolait devant la tombe de Cheikh Nour Mohamed al-Badawiyouni pour une adoration chez les soufis. Une certaine adoration qu'ils font. Il vient, il s'isole, il se met devant la tombe et Allah a'lam ce qu'il dit. En tout cas, c'est des innovations au minimum, si ce n'est pas du shirk. Et ils disent que Mohamed Ilyas, il a vu dans un rêve, il a vu une nouvelle explication d'un verset. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Ce verset a été expliqué par le prophète alayhi salatu wassalam dans son vivant comme dans l'authentique de l'imam muslim. Vous sortez les gens de l'obscurité de la mécréance et vous les ramenez dans l'islam et dans la lumière de la foi. Et des fois, vous les sortez enchaînés. Il vient comme un esclave, comme un otage, comme un prisonnier de guerre mécréant et il entre dans l'islam. Et il gagne ces deux libertés ainsi. Donc ça, c'est l'explication du prophète A.S. pendant son vivant. Lui, il a vu une autre explication dans un rêve, soi-disant c'est le prophète A.S. qui l'a vu, mais on sait que c'est un mensonge. C'est pas vrai. Ou bien il ment, il a rien vu, ou il a vu Shaitan. Car le Nabi A.S. il peut pas t'appeler à faire une bid'a qu'il a interdit pendant son vivant. Ils disent qu'il a vu le prophète A.S. il lui a expliqué ce verset comme quoi sortir, ce qu'ils appellent sortir fi sabilillah, et que les savants appellent sortir de la voie d'Allah, et non pas sortir dans la voie d'Allah. Car c'est des innovations. C'est pas légiférer pour un ignorant d'aller faire des voyages pour appeler les gens à l'islam. L'ignorant, il doit aller appeler. Il doit aller étudier d'abord. Et s'il a étudié, il doit appeler les gens de son quartier, de sa ville. Pourquoi tu fais des voyages dans des pays? Nabi alayhi sallam, il envoyait dans les pays les savants, pas les ignorants. Les ignorants, ils doivent rester avec les savants dans leur ville et apprendre leur religion et s'occuper de leur foyer, de leurs enfants. Pas comme j'ai entendu personnellement d'un ignorant parmi eux qui a peut-être plus de 60 ans dans cette secte et c'est parmi les plus durs. Il a dit, moi je fais des efforts sur les enfants des muslimines. Et Allah enverra quelqu'un pour faire des efforts sur mes enfants. Wallah al-musta'an. T'es responsable de ton foyer, de tes enfants. Et da'wa, c'est un fard kifaya, pas un fard aïn. C'est un fard kifaya pour l'alim. Que dire de l'ignorant? L'ignorant, il ne doit pas parler de la religion d'Allah. Celui qui n'a pas étudié la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas les outils. Il n'a pas étudié la langue arabe, il n'a pas étudié usul al-fiqh, il n'a pas étudié usul al-hadith. Il n'a pas étudié l'essence des outils qui te permettent d'avoir la bonne compréhension. Celui-là, il ne doit pas parler de la religion d'Allah. Son devoir, c'est d'interroger les hommes de science quand il ne sait pas. Amma, pour faire da'wah, qui est la fonction des prophètes, alayhim salatu wassalam, la fonction la plus noble, d'une manière absolue. On n'est pas en désaccord sur ça. Mais c'est qui va faire da'wah? Les ignorants? Non. Et aussi, de l'autre côté, il ne faut pas attendre de devenir un grand savant pour faire da'wah. Apprends et propage. Ce que tu as appris avec science, propage-le. Tu as appris salat, enseigne salat. Commence par tawhid aussi. Tu as appris des notions de tawhid, enseigne-les dans ton entourage. Tu as étudié Thalathat al-Usul, pourquoi tu prends pas ce livre et tu le fais avec les membres de ta famille? Quitte à écouter les audios seulement et de faire une révision en famille. Faut pas devenir un savant pour faire da'wah, mais il faut appeler avec science. Donc, il restait à côté de la tombe une demi-heure chaque semaine, tout en couvrant la tête. Et il disait Allahu hadiri, Allahu nadiri. Donc, il répète, il y a ni des choses qu'ils l'auront inventé. Il dit Allah est avec moi, Allah me voit. Pendant une demi-heure devant la tombe, la tête couverte. Et tout ça, c'est des innovations. Donc, s'il fait ça par soumission à Allah, c'est une innovation. S'il fait ça par soumission à ce cheikh enterré dans la tombe, c'est du shirk. Et cheikh, il dit, ce qui est apparent de leur méthode, c'est que c'est le deuxième qui évolue. C'est par soumission à ce cheikh qui sera un intermédiaire entre lui et Allah. Et est-ce que shirk des premiers était autre que celui-là? Est-ce que les premiers mouchriquins dans la période anti-islamique, est-ce qu'ils prétendaient que ces divinités créées donnent la vie, donnent le rizq? Non. Ils les prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous pouvez lire dans le début de sourate Zumar. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Allahu Akbar. Regardez comment c'est clair et explicite. Ils ont pris avec Allah des divinités, ils disent, nous nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est le même shirk dans lequel ils sont ces gens-là. Nas'alullah salam al-afiyah. Nous demandons à Allah de nous préserver de ces égarements. Donc la mosquée de laquelle leur da'wah a commencé contient 4 tombes et c'est haram d'enterrer un musulman dans une mosquée. Les tombes doivent être dans les cimetières des musulmans. Et si quelqu'un te dit, et alors le prophète alayhi sallam est enterré dans la mosquée, dis-lui, ou bien t'es un ignorant qui connaît pas l'histoire, ou t'es un mulabbis. Le Nabi alayhi sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Il a été enterré dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et ça, c'est spécifique au prophète alayhi sallam. Les prophètes, alayhimussalatu wassalam, tous, ils sont enterrés dans l'endroit même où Allah, il prend leurs âmes. Car c'est l'endroit où Allah, il veut qu'ils soient enterrés. Le reste des musulmans doivent être enterrés dans les cimetières. Et Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, ils étaient enterrés à côté du prophète, alayhimussalam, car ce sont ses compagnons pendant son vivant et dans sa tombe, et dans le paradis, ils seront avec lui. Radiallahu anhum. Ça, c'est une exception. Et ils n'étaient pas enterrés dans une mosquée. L'élargissement de la mosquée à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, il a fait cette erreur, il était l'émir de Medina, il a fait cette erreur sur laquelle ceux qui étaient encore vivants parmi les compagnons, comme Abdullah ibn Omar, n'ont pas été d'accord avec lui. Mais il a vu que le seul moyen d'élargir la mosquée, c'est de faire entrer la maison de Aïcha dedans. Et le prophète, alayhi sallam, il est toujours dans la maison de Aïcha, radiallahu anha. Et là où il est, il n'y a pas de salat, il n'y a rien. Lakin, malgré ça, c'était une erreur. Et l'imam Malik, quand il a été interrogé, à ce sujet, est-ce qu'on fait sortir la maison de la mosquée? Il a dit non, car ça va devenir comme un jeu. Un gouverneur, il l'a fait rentrer, un gouverneur, il l'a fait sortir. Ce qui est fait, est fait. Lakin, il faut savoir qu'en islam, il n'y a pas une mosquée avec une tombe. Ou une tombe dans une mosquée. Ça, c'est l'ahadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Parmi les dernières paroles de notre prophète alayhi salatu wassalam. Regardez les gens qui s'attachent aux ambiguïtés et qui suivent les shubuhat et qui délaissent ce qui est explicite et ce qui est équivoque. Ce qui est explicite. Il délaisse ce qui est explicite pour ce qui est ambigu. Nabi alayhi salam, parmi les dernières de ses paroles, il a dit La'natullahi ala al-yahoudi wal-nasara ittakhadhu quboura anbiya'ihim masajid. Notre mère Aïcha radiallahu anha a commenté le hadith en disant, quand elle l'a rapporté, yuhadhiru ma sana'u. Donc le prophète alayhi salam, il a dit que la malédiction d'Allah s'abatte sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris des tombes de leurs prophètes, des lieux d'adoration. Des mosquées. Et Aïcha a dit, il met en garde contre ce qu'ils ont fait. Et eux aujourd'hui, ils viennent, ils disent, oui, Nabi Rasulallah est enterré, alors il est où le mal? Nous aussi, notre cheikh, il est enterré dans la tombe. Donc ça, c'est parmi les reproches. Aussi, il y a énormément d'innovations dans cette secte, notamment dhikr en groupe. Et parmi leurs égarements, ils disent que celui qui a dit « La ilaha » et il s'est tué, sans finir, il est devenu mécréant. Et d'autres égarements. Al-manhaj al-salafi, avec lequel nous terminerons, incha'Allah ta'ala, je vois que le temps est passé très vite, donc on va reporter, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine, où nous allons parler de ce que Cheikh a dit, de l'manhaj al-salafi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.